À l'école, c'est tout un mode où chaque génération se croise. Tu te rappelles d'un temps où tous les jours de la semaine au collège, les collègues passaient en bas de la rue, où tous les jours on se racontait des blagues, bavardages, rigolades et cascades, de quoi en faire toute une histoire. À cette époque, c'est les premiers flirts, on était un groupe qui rigolait pour rien, bouffait des bons becs et on faisait fermer leur bec à ceux qui étaient au premier rang de la classe. Ne te trompe pas, suis la voix de la raison au plus profond de toi. Nous sommes tous à changer, soigne ce que tu fais. Approfondis la situation, prends tes marques, préviens tes arrières. Pousse à fond la garde, fais gaffe aux embûches. Tes complices ne les laisse pas de côté, sois proche d'eux. Et c'est à cette époque que tes meilleurs amis te suivront pour la vie. Ah, la plus belle des jeunesses, comme une flèche. Tout ce qui bougeait, tu dégommais aussi vite qu'une pneumatique sur le bitume. D'après la légende, un Jones, bien de sa peau, avec qui tu pouvais rigoler, s'amuser. Mais tout a commencé par une journée clopée. Ce petit qui a tout fait basculer. Le Ying, le Yang, à tort à travers. Et à cette fin d'année, ça n'est donné suite d'une expulsion, soi-disant pour une réflexion. Mais ils m'ont donné que des illusions. En passionnant, il faut encaisser les 2 ans que tu as passé là-bas. À l'âge légal, t'as arrêté pour retourner à ta ville natale. Entre ces 2 ans, tout cela te semble loin. Il nous reste l'insouciance, ça fait de toi un garçon de méchant, arrogant et méfiant. Tout contact avec tes potes se sont rompus. Il s'ensuit d'un isolement complet à la maison. Tu pouvais voir personne de commun, chacun sa peau dans ce nouveau monde. Ne te trompe pas, suis la voix de la raison au plus profond de toi. Nous sommes tous à changer, soigne ce que tu fais. Approfondis la situation, prends tes marques, préviens tes arrières. Pousse à fond la garde, fais gaffe aux embûches. Tes complices ne les laisse pas de côté, sois proche d'eux. Et c'est à cette époque que tes meilleurs amis te suivront pour la vie. Inspiration, respiration, tu plonges pour toucher le fond. Isolement et life off, je connais. Alors un petit conseil, si tu dois faire quelque chose de bien, pense à tes amis, tes amours et tes emmerdes. Car rien ne compte au travers ce monde que l'amitié. C'est sans pitié, marche ou crève, telle est la société. Alors quand tu crées pendant tes plus belles années de jeunesse, que tu côtoies les classes et que tu sors avec classe tes études, ne lâche pas l'affaire, ce partage-là n'est pas éphémère. Pour se reconstruire, t'inspire à travailler. Et tu connais les risques du métier. T'as compris qu'il était trop tard pour attraper le retard. Alors quand je rappe, tu sens ce vécu, c'est l'allure. Passe ton chemin, gamin, et fais gaffe au lendemain. C'est pas pour rien quand je tire le frein à main. C'est du son neuf dans ton poste, apprécie cette finesse. On roule avec délicatesse, mais pas tous à la même vitesse.